Micro ouvert. On est parti à la soirée justice climatique aux Amis de la Terre du côté de Namur. Et il y a un jeune gars qui a réalisé trois revues éphémères, c'est comme ça qu'il dit. Il s'appelle Willy Couvert, c'est le stagiaire des Amis de la Terre pendant 6 mois, je crois avoir bien compris. Et dans un premier temps, on démarre ce micro ouvert, il y a les gens qui sont venus à la soirée et qui définissent un peu qu'est-ce que la justice climatique pour elles. Oh, oh, oh. Tu dis ? Donc je m'appelle Clémence, j'ai fait mon service citoyen aux Amis de la Terre, donc je connais un petit peu. Et en fait, c'est un peu compliqué de décrire mon image de la justice climatique parce que c'est tellement vaste. Mais je pense que si on se concentre vraiment sur le nom, enfin le terme justice climatique, c'est vraiment tout ce que les questions environnementales englobent comme questions liées justement à la justice, donc tout ce qui va être la pauvreté de certaines personnes et la richesse d'autres, enfin le partage un petit peu des richesses et des ressources et voilà cette non-égalité du partage quoi. Micheline, moi je dois dire, je viens ici parce que je suis un petit peu déçue. Déçue de. Ça fait 20 ans que je suis aux Amis de la Terre et je suis très déçue de toute la justice climatique justement qui a eu lieu jusque maintenant. Ici avec le Covid, j'ai cru qu'il allait y avoir un changement radical. Rien du tout. Tout redémarre comme avant. Rien n'a changé. Voilà. Même dans la conception des gens. Peut-être certaines personnes vont dans les circuits courts, mais très peu. Donc, je viens un petit peu en curieuse pour essayer de me rebooster un petit peu. Voilà. Donc, moi, mon nom, c'est Augustin. Je connais les Amis de la Terre. Je suis le fils de Fredo, qui est juste là, de Frédéric. Donc, voilà. Donc, pour moi, la justice climatique, c'est un peu... le moment où, dans les luttes environnementales et climatiques, il y a eu un peu un passage du tri des déchets et de l'action personnelle à inscrire la lutte climatique dans quelque chose de systémique. Donc c'est de dire qu'en fait, dans la lutte climatique, ça s'inscrit aussi dans une lutte des classes, dans des discriminations plus systémiques. Et du coup, c'est de prendre dans cette lutte environnementale des considérations économiques, des considérations de territoire, etc., etc. Donc c'est vraiment ce qui a permis de systématiser le bazar. Voilà. Moi c'est Luc, je travaille au GRAC plutôt pour le vélo, mais ici je suis avec nos voisins des Amis de la Terre. Alors moi pour la justice climatique, c'est surtout que en fait le problème climatique a été créé par des pays riches et essentiellement par des riches à l'intérieur des pays riches et que ce sont les pauvres de pays moins favorisés que nous qui en subissent les premières conséquences de plein fouet et qui eux n'ont pas les moyens de déménager ou de faire face ou de s'adapter à ces changements dramatiques comme le réchauffement, les inondations. Voilà. Moi je m'appelle Gilles, c'est la première fois que je viens donc aux Amis de la Terre. Moi je viens voir un peu ce que c'est la justice climatique, parce que je trouve que pour l'instant on est une injustice climatique. Et donc je me suis curieux, donc j'ai quelques idées, mais je voudrais savoir ce que des actions comme les Amis de la Terre proposent pour inverser la tendance. Quoi. Voilà. Donc moi c'est Coraline, je travaille aux Amis de la Terre. Et pour moi, la justice environnementale, c'est comme une prise de responsabilité des pays les plus pollueurs. Et du coup, ça voudrait dire que les pays se regardent en face ce qu'ils ont fait. Donc ça veut dire que c'est peut-être le début de quelque chose d'honnête et de sincère. Donc moi, ça éveille ma curiosité. Et voilà, parce que c'est pas trop ce qui se passe jusque maintenant, mais voilà. Voilà, donc moi c'est Patricia, j'étais aux Amis de la Terre il y a très longtemps, 20 ans à peu près, du temps des salons de l'eau, si les plus anciens se souviennent. Donc voilà, moi je reviens parce que je fais partie d'autres groupes et je trouve que c'est chouette de faire des ponts avec les autres choses qui existent déjà, se regrouper pour faire certaines actions, donc voilà pourquoi je viens. La justice climatique, ben, certains ont déjà donné mes idées, et puis j'avais envie de l'illustrer peut-être avec le photovoltaïque et toutes les batteries, vélo électrique, etc., que nous, on essaye peut-être de diminuer le réchauffement climatique ici, mais on met les pollutions ailleurs, et donc voilà, ça ne change quand même pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc. Bonjour, moi c'est Michel, je suis membre des Amis de la Terre depuis pas mal de temps, je suis administrateur d'ailleurs de l'association, et je vais faire vite, je ne crois pas à la justice climatique, et pourtant je l'espère encore. Voilà. Et toi, Frédéric ? Mais moi je rejoins un petit peu ce que disait Luc, en fait je sens vraiment à quel point en fait, notre impact ici, l'impact de nos choix, en fait, a un impact sur les pays du Sud, évidemment les pays les plus pauvres, mais aussi, enfin, je trouve que chez nous aujourd'hui, on l'a vu encore avec les inondations, bon, qui sont quelque part finalement aussi une des conséquences, et on a bien conscience que ce sont eux-mêmes les plus pauvres qui sont impactés aujourd'hui par le réchauffement climatique. Donc voilà, c'est la dimension. Oui, toi, tu voulais peut-être aussi parler. Astrid, alors moi je travaille aux Amis de la Terre. Alors pour faire bref, pour moi c'est vraiment mettre de l'égalité au sein de toutes les populations et que le réchauffement climatique en fait exacerbe encore plus. Donc voilà, ça ferait vraiment de créer plus, effacer cette injustice que cette société a mis en place. All right, c'est bon. Voilà. Ben, merci à tous déjà pour votre présence et puis pour ce partage. Hein. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éléments donc, qui renvoient à la fois, j'ai remarqué un petit peu, de l'ordre de l'affect, parce que l'injustice, c'est aussi beaucoup de l'affect, quoi, ce qu'on ressent vraiment au plus profond de nous-mêmes, de l'injustice, mais aussi sur des comportements qu'on peut mettre en place, donc essayer voilà, de réduire notre empreinte, dans une logique aussi de justice climatique derrière. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui ont été dit, c'est intéressant. Et pour me présenter brièvement, donc moi je m'appelle Willy, et comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, je suis en stage chez les Amis de la Terre depuis maintenant 5 mois. Et ce projet, donc cette revue Justice Climatique, c'était un petit peu mon bébé pendant ce stage, donc je suis assez content qu'il y ait un petit peu que ça suscite de l'intérêt et de voir quelques têtes ce soir. Et juste pour présenter mon parcours, donc moi j'ai fait des études d'anthropologie dans un premier temps, et là je suis avec ce stage je valide mon master en géographie spécialisé sur l'écologie. Et en fait, pour la petite histoire, dans le cadre de ce master, j'ai eu l'occasion de travailler sur les migrations environnementales, parce que voilà, mon sujet d'intérêt, on va dire, d'attention, quand j'étais en anthropologie, c'était plutôt les migrations. Et en travaillant, en étudiant l'écologie et l'environnement, j'étais amené à me poser pas mal de questions aussi sur les liens qu'il pouvait y avoir entre les migrations, les motifs de migration et tout ce qui était relatif à l'environnement et au climat. Et donc j'en suis venu à étudier les migrations environnementales avec un projet plus... Enfin, j'avais un projet quand même de recherche derrière, de recherche scientifique. Et j'en suis venu à me poser des questions aussi sur quels étaient les motifs de migration et qu'est-ce que ça faisait intervenir. Et à me rendre compte que finalement, la migration, donc, c'était une conséquence. La migration environnementale, c'est une conséquence particulière, mais la migration en général, c'est une conséquence de systèmes mondialisés, économiques, politiques et autres. Et donc, il y avait quelque chose à gratter, même avant la phase de migration, il y a quelque chose à gratter sur qu'est-ce qui va produire ces migrations. Donc comment les systèmes sont organisés. En matière d'environnement ou de climat, comment certaines personnes, certains groupes sociaux, on va dire, et certains pays vont être plus impactés que d'autres et vont être amenés à connaître la migration alors que d'autres ne vont pas être amenés à la connaître. Et voilà, pour moi, ça renvoyait aussi à de l'affect parce que je prenais ça pour une injustice. Et donc, c'est voilà, brièvement ce qui m'a amené à vouloir travailler sur le lien entre les inégalités sociales et le changement climatique, sur la manière dont les deux peuvent s'articuler, et de manière même plus globale, je dirais, sur le, finalement le système qui produit l'un et produit les autres en même temps, quoi. Donc ce projet de revue justice, sur la justice climatique, c'est vraiment parti de là, donc de la volonté de continuer à informer, de documenter aussi, et puis de pouvoir échanger autour d'une thématique. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Une dame qui arrive un peu en retard, mais c'est pas grave. On continue, hein. Donc voilà, c'était la volonté de travailler autour de ces liens entre les inégalités sociales et changement climatique, que le concept de justice climatique est une manière comme une autre de matérialiser, on le verra après. Et ça s'inscrit dans un projet, en fait, dans un projet de recherche-action que je mène aussi. Donc là, c'est le côté plus action, donc comment par le milieu associatif on peut aussi se mobiliser pour faire connaître les enjeux autour de la justice climatique, pour développer des actions visant à lutter contre. Et l'autre versant, c'est le versant de la recherche. Donc j'essaie d'articuler les deux avec une recherche qui porte sur justement les milieux associatifs, enfin, ou plus généralement de la société civile, comment ce milieu peut se mobiliser pour lutter contre les injustices climatiques, pour lutter contre les inégalités sociales, pour lutter contre le changement climatique et, idéalement, pour lutter contre les deux en même temps. Donc j'essaye de voir comment les associations environnementales commencent à intégrer les problématiques sociales, comment les associations plutôt sociales de lutte contre la pauvreté vont être amenées aussi à intégrer des éléments plus d'ordre environnemental ou climatique, et quelles convergences aussi vont exister entre toutes ces organisations. Et donc ça m'amène aussi à la revue, parce que finalement c'était un petit peu l'idée aussi, c'est une revue qui a été conçue pour être aussi contributive. Donc vous verrez tout à l'heure qu'il y a eu en tout sur 9 articles qui ont été rédigés, 4 de ces articles l'ont été par des membres d'autres collectifs ou associations, donc qui n'ont initialement rien à voir avec les Amis de la Terre, qui ont d'autres grilles de lecture, et voilà, donc l'idée c'était de voir comment on pouvait alimenter le débat et comment on pouvait échanger autour de nos préoccupations mutuelles. Et pour moi, la justice climatique, c'est le sujet par excellence pour pouvoir mettre en commun ces préoccupations, parce que ça touche autant au social qu'au climat. Donc, cette revue, c'était une revue éphémère, donc il faudra voir les suites qui peuvent être données. Après, ça pourrait passer passer par d'autres supports, quoi, de continuer à s'intéresser à la justice climatique. Donc il y a trois numéros de cette revue. Donc, chaque numéro est conçu avec un éditorial qui globalement présente l'objet du numéro, et 3 articles. Donc c'est des numéros thématiques, hein. Là, donc, on a 3 thématiques qui sont la justice climatique au sens large, le lien entre l'écologie et les classes sociales, et en dernier, c'était le travail et le climat. Donc il y a plein d'autres thématiques qui auraient pu être abordées, mais voilà, c'était les choix éditoriaux. Et donc les articles, les contributions étaient laissées libres, quoi. L'idée, c'était de solliciter d'autres acteurs qui ont, je l'ai dit tout à l'heure, des grilles de lecture différentes, et de leur donner la thématique principale du numéro et de leur dire, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous avez envie d'écrire là-dessus, qu'est-ce que vous voulez partager, et quelle est soit votre position personnelle, soit la position du mouvement au nom duquel vous écrivez. Donc la forme des articles, c'était laissé libre aussi. Il y a autant des articles qui sont inspirés, mais qui sont vraiment appuyés sur des travaux scientifiques, donc qui essayent de relier et croiser les informations scientifiques. Il y a des articles qui sont vraiment des enquêtes pures ou des résultats d'enquêtes. Il y a des articles qui sont des tribunes, donc laissés libres. Enfin voilà, il y a vraiment plein de formes différentes. Donc l'objet de cette présentation-là, de la revue, ça va être de présenter les trois numéros. Donc donner les éléments de compréhension clés. On ne va pas forcément rentrer dans chaque détail parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais voilà, vous aurez accès aux revues après, on vous les distribuera. Et donc toutes les références, tous les exemples et détails sont dans ces revues. Et puis voilà, donc l'idée, c'est aussi de vous donner envie de les lire peut-être et de continuer à travailler sur cette thématique par la suite. Alors voilà, le premier numéro, donc « Quelle justice face au changement climatique ?», c'était un numéro d'introduction, on va dire, pour présenter les différents concepts qui peuvent graviter autour de la justice climatique. Donc concepts, mais aussi mouvements sociaux. Donc là, on a trois articles sur celui-ci, sur ce numéro, qui sont autour de la justice environnementale, des inégalités climatiques et, en fin de compte, de la justice climatique. Le premier article qui tourne autour de la justice environnementale, bon, ça n'a pas directement à voir avec le climat, mais c'est intéressant en fait parce qu'il y a vraiment une filiation entre le mouvement pour la justice environnementale et le mouvement pour la justice climatique. Donc le mouvement pour la justice environnementale, il est antérieur, en fait, il est né dans les années 1980 aux États-Unis. Il est né suite à des études scientifiques qui étaient notamment menées. La première, c'était par le biais d'un pasteur qui s'appelait Benjamin Chavis et par le biais de sa paroisse. Et donc, il y a une autre étude qui a suivi. Et en fait, ces études montraient que quasiment systématiquement, les industries les plus polluantes, et là, en particulier, les installations de déchets toxiques étaient installés à proximité de quartiers afro-américains. Donc, a fortiori, de quartiers pauvres afro-américains. Et voilà, c'est vraiment ce qui était assez fascinant, parce qu'il n'y avait jamais eu d'autres études avant. Il y avait eu des études sur les injustices raciales, plutôt, qui étaient menées pendant les mouvements pour les droits civiques, mais jamais qui faisaient le lien avec l'environnement. Donc là, c'était un petit peu une première. Et c'est ce qu'elle montrait clairement. Donc ça a fait émerger des mouvements sociaux assez larges, donc qui étaient au début très localisés autour de telle industrie polluante, de telle installation de déchets toxiques, pour dire nous, on n'en veut pas. Et en même temps, regardez, ce qu'on peut voir ailleurs, c'est qu'à chaque fois, vous installez ces usines, ces industries proches de nos quartiers à nous, qui sommes déjà par ailleurs défavorisés sur à peu près tous les plans de la société. Et donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails sur les mécanismes qui faisaient que ces installations polluantes étaient à proximité de ces quartiers, mais ça rejoint d'autres formes d'inégalité, et notamment le fait, par exemple, que les personnes issues de classes sociales supérieures vont plus facilement mobiliser des leviers pour lutter contre, pour protester contre ce genre de projet. Donc ça peut être un exemple parmi d'autres. Toujours est-il que ça a vraiment créé un mouvement d'ampleur, donc au début localisé, et qui a fini par se coordonner à l'échelle nationale, ce qui s'est, on va dire, cristallisé en 1991, quand le mouvement a rédigé les 17 principes pour la justice environnementale, et dont on verra tout à l'heure que certains principes de la justice climatique sont très fortement inspirés. Donc ça, c'était le premier article. Le deuxième article, là, on passe plus sur le versant climatique, donc sur les inégalités climatiques en particulier, ce qui est pour moi précurseur aussi à la compréhension de la justice climatique, parce que finalement, la justice climatique, elle a été, on va dire que c'est un mouvement qui a émergé sur la base d'une protestation, d'un sentiment d'injustice, quoi, vis-à-vis d'inégalités climatiques. Donc c'est bien de cerner ce que sont les inégalités climatiques. Et en gros, ce que peut dire la littérature scientifique à ce sujet, c'est qu'il y a quatre formes d'inégalités climatiques qui se situent autant sur un plan international entre les pays du Nord et les pays du Sud que sur un plan national entre les différents groupes sociaux. Donc la première forme d'inégalité qu'on peut déceler, ça va être l'inégalité de... C'est celle qui nous parle le plus, mais de responsabilité. La différence de responsabilité qu'ont les pays industrialisés ou pays du Nord, enfin voilà, on peut les appeler comme on veut, vis-à-vis des pays du Sud, mais aussi à l'intérieur des pays, quoi. Je veux dire, tous les modes de vie ne sont pas polluants de la même manière. Voilà, on sait maintenant très bien que les modes de vie des personnes les plus riches sont aussi beaucoup plus émetteurs. Donc il y a une injustice avec, on va dire, la deuxième forme d'inégalité, qui est celle de l'inégalité d'exposition aux impacts. Parce que là, à l'inverse, ça va justement être les pays du Sud qui vont être plus impactés. Et au sein des pays, ça va être les groupes sociaux les plus vulnérables, enfin voilà, qui sont socialement défavorisés parce que habitant dans des zones inondables, par exemple, ou parce que ne bénéficiant pas de mécanismes assurantiels qui permettent après de se reconstruire une fois que des catastrophes sont passées. Ça va être des agriculteurs qui subissent tous les ans de plus en plus des sécheresses et qui voient leur culture en pâtir forcément, et donc une partie de leur revenu sauter. Donc voilà, il y a vraiment une connexion entre ces deux formes d'inégalité, une corrélation inverse, on va dire, quoi. Plus un pays est responsable, plus un groupe social est responsable du changement climatique, moins il est impacté. Donc ça, c'était la deuxième forme d'inégalité. La troisième qu'on peut mentionner, c'est une inégalité qui est relative aux politiques publiques qui sont mises en place. Il y a une partie des politiques publiques, en fait, de lutte contre le changement climatique, que ce soit à l'échelle internationale, bon, ça prend plus la forme de directive, ou à l'échelle nationale, donc quand des mesures sont vraiment adoptées par les différents États, ces mesures peuvent générer des inégalités. Et l'exemple typique qu'on a, c'était celui des Gilets jaunes, qui a été un mouvement social vraiment un mouvement social à la base, pas forcément de préoccupation climatique, mais qui s'est mobilisé contre une mesure qui devait supposément permettre de lutter contre le changement climatique, mais qui était perçue comme injuste parce que faisant reposer la responsabilité sur les groupes sociaux défavorisés. D'accord, non, mais il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne soirée, j'étais vraiment intéressée par le sujet, mais voilà, avec conditions, je ne suis pas à l'aise, j'arrive pas à me concentrer. D'accord, bon, désolé. Alors. Au revoir, merci. Au revoir. On peut le mettre, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans. On s'est renseigné et on n'était plus dans l'obligation, mais si jamais il y a un risque, en tout cas, moi, je suis OK de le mettre. Je ne sais pas si il y en a d'autres, peut-être pas l'orateur. Oui, je vous remercie, c'est très gentil, mais en fait. Ben on peut le mettre tous. C'est trop tard, en fait. C'est ça, ben désolé, on a... Je ne veux pas rester plus longtemps. J'oublie votre veste. Ah, je vous remercie. Pardon, et je vous souhaite une bonne soirée, peut-être à une prochaine fois. Ben vraiment désolé. Bonne soirée. Merci d'être venu. Donc voilà. Quatrième forme d'inégalité, là, ça renvoie plutôt aux inégalités générales d'accès à la décision, quoi. On sait que les postes politiques, les postes de dirigeants économiques sont souvent réservés à des élites culturelles ou économiques, mais sont très difficiles d'accès pour les classes populaires, on va dire. Donc voilà pour les inégalités climatiques. Oui, alors, ah oui, pardon, la troisième, c'était sur les politiques publiques qui étaient mises en place par les différents États. Y a des politiques publiques qui peuvent être socialement justes, mais elles ne le sont pas toutes, et les politiques publiques ne sont pas toujours neutres non plus. C'est-à-dire que, par exemple, un impôt, enfin, la taxe carbone, si on reprend cet exemple, qui était envisagée par le gouvernement Macron en France, c'était une taxe carbone, voilà, il a été montré qu'elle avait un effet régressif, donc c'est-à-dire qu'elle s'appliquait plus fortement aux plus bas revenus qu'aux plus hauts revenus. Donc c'est un impôt qui semble injuste dans le sens où un impôt juste devrait faire proportionnellement plus payer les personnes les plus riches pour recréer un équilibre social, quoi. Et donc là, c'était une mesure qui, sous prétexte de lutter contre le changement climatique, contribuait à amplifier, en fait, on va dire, un déséquilibre social qui était déjà présent avant. Mais voilà, c'est un exemple de mesure. On peut en prendre d'autres, par exemple, des mesures de subvention à l'achat d'une voiture hybride. C'est pareil, c'est pas accessible pour tout le monde parce que pour acheter une voiture hybride, bon, elle n'est pas payée entièrement par la subvention, donc il faut quand même un investissement de départ. Et finalement, c'est de l'argent public qui est distribué à des gens qui ont déjà un petit peu d'argent, quoi, qui ont déjà un minimum d'argent pour pouvoir se payer une voiture. Panneau solaire, exactement, c'est ce qui s'adresse du coup plutôt aux propriétaires qu'aux locataires. Enfin voilà, c'est tout un tas d'exemples comme ça qui montrent que les politiques climatiques peuvent avoir des effets inégalitaires, même si c'est pas toujours le cas. Il y a probablement d'autres exemples, mais assez peu, je pense. Donc voilà, là on en vient au mouvement pour la justice climatique, donc qui a un lien à la fois, donc je disais tout à l'heure, avec le mouvement pour la justice environnementale, parce que il est arrivé un petit peu plus tard sur plus ou moins les mêmes bases, parce que le mouvement pour la justice environnementale, c'était contre des inégalités environnementales, là c'est plutôt contre des inégalités climatiques. Et donc voilà, c'est un mouvement qui est né dans les années 1990, plutôt au niveau international. Donc ça, c'est vraiment un mouvement social à la base. Après, c'est devenu un courant politique, c'est devenu un courant scientifique aussi, mais à la base, c'est vraiment un mouvement social qui est né dans les années 90. Fallait savoir qu'à ce moment-là, il y avait déjà un réseau international de la société civile composé d'organisations d'ONG du monde entier, qui s'appelle le CAN, donc le Climate Action Network. Et en fait, une partie des organisations qui étaient à l'intérieur de ce réseau, et d'ailleurs une partie des organisations qui n'étaient pas dans ce réseau, parce que c'était un réseau surtout d'organisations des pays du Nord, on finit par considérer que ce réseau était trop centré sur les pays du Nord et n'intégrait pas les préoccupations de justice sociale que beaucoup d'autres organisations souhaitaient intégrer à la lutte contre le changement climatique. Donc c'est des organisations dissidentes plus d'autres organisations qui trouvaient qu'il y avait des manquements en fait dans ce que proposait ce réseau, qui ont fini par s'organiser en réseau. Donc pareil, réseau international, surtout jalonné par des organisations du Sud, et qui se réunit depuis sous la forme de contre-sommets. En fait, il y a la COP, et souvent la même année dans une autre ville du monde, souvent une ville du Sud, parce que les COP sont souvent dans des villes du Nord. Donc il y a toujours ce jeu entre les deux. Ils se réunissent chaque année, donc voilà, pour faire vivre la lutte. Et il y a des dates clés. En fait, en 2002, ils ont rédigé les 27 principes pour la justice climatique, donc là inspirés des principes pour la justice environnementale. Voilà, je vais pas tous les citer, mais pour en donner trois principes d'intérêt, il y a le principe de responsabilité commune mais différenciée, à savoir que tous les pays sont responsables du changement climatique, mais que ces pays n'ont pas tous la même responsabilité, et donc que les pays qui ont une responsabilité plus grande doivent payer plus, en fait, et prendre plus en charge la lutte contre le changement climatique. Il y a un principe de reconnaissance des droits territoriaux des peuples autochtones, parce que le mouvement pour la justice climatique aussi, il est très ancré dans les luttes autochtones. Notamment une partie des organisations qui l'ont initié, c'était des organisations qui étaient très, soit d'organisations autochtones, soit qui étaient très sensibles à cette problématique-là. Et un troisième, c'est la citoyenneté environnementale. Donc là, on retrouve le besoin, enfin la revendication, on va dire, de faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans les politiques climatiques. Donc ce qui était un petit peu, ce qui est finalement ce qui fait écho à une forme d'inégalité climatique qui est le manque, les inégalités d'accès à la décision politique, on va dire. En 2007, ce réseau international, donc, qui était plutôt informel à la base, s'est structuré, on va dire. Donc c'est le Climate Justice Now qui est né à ce moment-là et qui maintenant en fait participe aux négociations internationales pour le climat, au même titre que le CAN, mais comme un autre réseau de la société civile habilité à participer aux négociations. Donc voilà, ça c'est pour le versant international qui est le plus prégnant, mais après il y a plein de luttes locales qui soit se revendiquent de la justice climatique ou ne s'en revendiquent pas, mais qui pourraient être considérées comme telles. On peut penser par exemple aux ZAD qui cherchent à inscrire sur un territoire un mode de vie alternatif qui soit voilà, solidaire dans l'idéal. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais voilà, avec un idéal, on va dire, de solidarité, d'ancrage dans le local, d'autonomie le plus possible, qui rassemble un petit peu ces principes de la justice climatique. Après, on peut penser à d'autres projets d'habitat participatif, par exemple, qui sont aussi des fois basés sur des systèmes de solidarité, sur des systèmes de troc, avec un ancrage aussi local qui est fort. Et puis après, il y a tout ce qui est recours en justice aussi. recours en justice par le biais d'ONG. Donc on a eu quelques exemples récemment. En Belgique, il y a eu une affaire, je ne sais plus exactement laquelle, mais il y en a eu une contre Shell aux Pays-Bas il n'y a pas longtemps. En France, il y a eu aussi l'affaire du siècle. Enfin voilà, de plus en plus, on voit émerger des recours en justice par des organisations de la société civile et qui articule vraiment des préoccupations de justice sociale et de lutte contre le changement climatique. Et si je peux rajouter, c'était les Amis de la Terre, Shell. Voilà. C'est la petite pub. T'as raison. Oui, oui. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour le premier numéro. Moi je voudrais juste poser une question. Est-ce que personne, j'ai bien entendu la demande, j'allais plutôt parler d'une masque. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce que vous voulez que j'aère? On n'en a pas parlé avant. Est-ce que vous êtes OK de continuer comme ça? Ou bien, s'il y a quelqu'un mal à l'aise, ben, qu'il le dise. Hein. Bon, voilà. On continue. Un peu, peut-être. Ça ne vous dérange pas? D'arrêt. Tu avais ouvert la fenêtre, toi? Ah, elle avait fermé. Peut-être aller là-bas, parce que ça fait du bruit. Et Non, j'aime bien entendre. C'est super intéressant. Bah oui. Bon, on ouvre un peu la fenêtre parce que il fait chaud, il y a du soleil. C'est un peu des baies vitrées comme ça ici, il y en a plusieurs. C'est bien, tu connais bien ton sujet. Tu connais bien ton sujet. C'est agréable. Bon, ben merci. C'est pas que tu... Je prends trop de temps apparemment, du coup. Tout va accélérer un petit peu. Donc voilà, je vais devoir accélérer un petit peu et... Donc là, voilà, le deuxième numéro, c'était un numéro qu'on a voulu consacrer au lien entre l'écologie et les classes sociales, avec l'idée de déconstruire un stéréotype qui est assez répandu, qu'il n'y aurait qu'une écologie, que l'écologie serait la panacée, et qu'il n'y aurait pas plusieurs manières de faire de l'écologie. Mais... finalement, quand on y réfléchit, il y a, on citait tout à l'heure la taxe carbone, mais il y a plein d'autres exemples qui montrent que l'écologie n'est pas toujours consensuelle et qu'elle peut opposer aussi des classes sociales. Par exemple, on pourrait opposer une écologie qui se base sur les principes du marché, donc qui va permettre à des multinationales de polluer plus en allant investir dans des projets dans des pays du Sud. On pourrait l'opposer à une écologie qui fonctionnerait selon des mécanismes de régulation, de contraintes opérées sur des entreprises et de redistribution des richesses qui seraient créées aussi par ces régulations et ces contraintes. Donc il y a vraiment plusieurs manières de faire de l'écologie et l'idée de ce numéro, c'était vraiment de montrer en quoi cette écologie pouvait être clivante aussi comme n'importe quel autre sujet de société. Notamment n'importe quel autre sujet politique. Donc le premier, donc là on a deux contributions. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais le premier numéro de la revue, il a seulement été rédigé en interne chez les Amis de la Terre. Mais ce deuxième numéro, sur les trois articles, il y en a deux qui ont fait intervenir des contributeurs extérieurs, et notamment le premier article qui s'intitule "Une consommation alimentaire durable et inclusive". Et qui a été rédigé par Louise de Brabander, donc qui est membre de l'Observatoire des inégalités, qui est un média indépendant belge, qui est vraiment proche du milieu associatif et scientifique de bruxellois notamment, et qui voilà essaye de donner de l'information, de déconstruire un petit peu tout ce qui est autour des inégalités et de proposer des éléments de réflexion pour en comprendre les mécanismes. L'article qu'elle nous propose dans ce numéro, c'est un article qui est le résultat d'une étude qui a été menée sur un supermarché bruxellois, donc supermarché d'alimentation durable, avec des produits surtout locaux, en partie bio, mais pas tous, qui rémunère justement les producteurs locaux. Et qui en même temps se veut être inclusif vis-à-vis des populations défavorisées, donc de proposer des produits avec des prix qui sont moindres que le bio conventionnel, on va dire, qui est généralement très cher. Et donc l'idée de cette enquête, c'était de voir si ce magasin était réellement inclusif, en fait, et si tout le monde y avait accès de la même manière. Donc l'étude se penche déjà sur le profil des clients. Donc il y a en fait beaucoup d'entretiens qui ont été menés avec les clients du magasin. Et donc l'étude se penche sur le profil des clients pour voir quel type de personnes allaient dans ce magasin, sachant qu'il est situé à Matongé. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un quartier de Bruxelles qui est un quartier quand même très populaire. Et finalement, ce qui ressort, c'est que le profil des clients, il est très homogène, quoi. C'est des gens qui sont issus de classes moyennes supérieures, qui sont diplômés du supérieur, qui exercent des professions soit de cadre, soit des professions intellectuelles. Donc on a quand même une homogénéité sociale qui est assez forte, malgré le fait que ce soit un quartier populaire. Voilà, elle l'explique de plusieurs manières. Donc il y a déjà le frein financier, parce que je disais tout à l'heure que la volonté, c'est d'être inclusif, mais en même temps, en comparant une comparaison bête, en prenant trois produits dans ce supermarché, trois produits dans un supermarché conventionnel et trois produits vraiment low cost, on voit que des fois les prix vont du simple au double quand même entre le low cost et le produit de ce supermarché. Donc il y a une première barrière qui est financière. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de frein symbolique avec... elle parle de l'usage notamment qui est fait de ce magasin, qui n'est pas anodin, il ne s'agit pas juste d'aller faire ses courses. Généralement, c'est un usage qui va s'ancrer dans un système de valeurs. Donc les personnes vont vouloir renouer un petit peu avec le producteur, renouer avec la terre aussi en allant dans ces magasins. Et donc voilà, finalement, ça correspond aussi à un choix idéologique d'aller acheter... sa nourriture dans ces magasins, ce qui est matérialisé aussi par la figure du consommateur ou consommatrice, qui consiste à penser que nos choix de consommation sont politiques et qu'en consommant, finalement, on permet à notre échelle de changer la société. Et finalement, ce qu'elle avance, c'est que ce type d'engagement par la consommation, il reste quand même globalement l'apanage, on va dire, il est plutôt mobilisé par des catégories sociales aisées, donc qui vont plus facilement mobiliser ces leviers, quoi. Donc l'idée, c'est pas de dire que ce magasin-là ne s'inscrit pas dans une démarche qu'il faudrait pas encourager, au contraire, mais ça amène aussi à réfléchir sur quels sont quels mécanismes il y a derrière la consommation et quels choix de consommation on a aussi. Et ça amène à se questionner aussi sur le modèle agricole. Évidemment, si on veut rémunérer justement les producteurs, il faut forcément augmenter les prix des denrées, sinon le magasin est perdant. Enfin voilà, ce serait juste pas possible de faire autrement. Mais ça arrive aussi parce que l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne n'est pas subventionnée. Donc il y a toute une chaîne de mécanismes qui sont initialement des choix politiques et qui finissent par se retrouver dans la consommation des gens. Et qui finissent par faire en sorte que les gens n'ont pas forcément tous la possibilité de consommer des produits locaux, des produits bio, des produits de qualité. Donc voilà pour le premier article. Le second article, c'est un article qui porte sur les... Ah, j'ai pas changé. Ah, pardon. Ok, bon, je vais essayer de faire très vite. Pour finir tranquille. Bon, je vais passer un petit peu plus vite sur les autres articles. Donc l'article suivant, c'est un article qui traite de l'écologie potentielle qu'on peut trouver au sein du mouvement des Gilets jaunes, pour déconstruire aussi cette idée que ce serait un mouvement par essence anti-écologiste parce qu'il s'est constitué en opposition à une mesure de lutte contre le changement climatique, donc la taxe carbone. Finalement, il y a une étude qui a été menée justement pour déconstruire cette idée en 2019 sur les Gilets jaunes et qui a montré que seulement 3% d'entre eux n'avaient pas conscience des enjeux climatiques, des enjeux écologiques. À l'inverse, il y a énormément de revendications. Ce n'étaient pas les premières revendications du mouvement. Voilà, il y en a deux, trois centrales qui étaient les plus audibles, on va dire. Mais il y a eu beaucoup de plus petites revendications et dont un certain nombre étaient aussi écologistes. On peut citer par exemple la volonté d'arrêter les crédits d'impôt aux entreprises pour utiliser l'argent gagné pour investir dans des industries non polluantes, ou plus généralement l'idée de faire payer plus fortement les comportements les plus polluants que les comportements finalement moins polluants des gens qui ont moins d'argent aussi. Donc voilà, il y a eu pas mal de revendications qui étaient des revendications écologistes. Et puis il y a eu le mouvement des gilets citoyens qui est issu des gilets jaunes et qui a réussi à gagner, même si finalement ça n'a pas donné grand-chose derrière, mais qui a réussi à faire mettre en place la Convention citoyenne pour le climat. Donc là, qui était vraiment un outil participatif par excellence sur tirage au sort pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à la prise de décision, mais on va dire à la réflexion autour de mesures à adopter pour lutter contre le changement climatique. Mais là, on est en France. Hein. Donc là, on est en France, oui, pardon. C'est vrai, j'ai pas cité, mais ouais, donc vraiment pour la France. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure à propos des revendications, c'est aussi valable pour la Belgique, vu qu'il y a quand même pas mal de groupes de gilets jaunes aussi en Belgique, et que c'est des revendications qui sont pour beaucoup transfrontalières, quoi. Elles sont pas propres à un contexte politique, mais plus, ou à, on va dire, un contexte politique global, néolibéral et capitaliste. Voilà, donc l'écologie des gilets jaunes, finalement, c'est un petit peu le point de cet article, c'est de montrer que c'est plutôt une écologie populaire dans le sens où toutes ces pratiques écologistes, elles vont être chaque fois conditionnées à des demandes de justice sociale. Ils ne vont pas faire de l'écologie en tant que telle juste pour l'écologie, mais si on fait de l'écologie, il faut qu'il y ait aussi des répercussions positives sur le plan social. Et c'est un petit peu le principe de la justice climatique aussi, de conditionner toujours le social à l'écologie et de faire en sorte que une mesure sociale soit bénéfique pour le climat ou en tout cas ne nuise pas au climat, et inversement qu'une mesure climatique ne nuise pas au social et dans l'idéal soit bénéfique sur le plan social. Et enfin, le dernier article qui nous est proposé, c'est aussi une contribution cette fois-ci de Luc Lefebvre, donc qui est membre du mouvement LST, qui est basé à Namur. Lutte, solidarité et travail, oui, c'est ça. Et voilà, donc association qui combat la pauvreté en partant de la situation de personnes qui sont en situation de précarité, et donc dont beaucoup de militants sont dans cette situation. Et donc cet article, c'était plus une tribune, voilà, pour que cette personne, que Luc et aussi que le mouvement puisse donner sa propre conception de ce que doit être, de ce qu'est l'écologie en fait. Donc en partant des situation quotidienne de personnes pauvres qui sont mises sur le plan de la durabilité. Il y a une citation que j'ai retenue et que je trouvais vraiment intéressante, qui est issue du mouvement, et qui dit « Pour nous, ce qui est durable depuis toujours, c'est la misère, l'oppression permanente de notre existence, le mépris, la transparence qu'on nous impose, les contrôles sur toute notre vie et nos familles. » Donc finalement, cette logique de durabilité, elle est vraiment prise à partir des situations quotidiennes. Et tout ce qui va être pensé en termes d'écologie, il faut que ce soit ancré dans la vie de ces gens qui peuvent faire remonter leur situation personnelle par le biais de mouvements comme celui-ci. Et donc c'est un mouvement aussi qui est intégré dans la plateforme Association 21, donc qui est un réseau associatif basé sur les objectifs de développement durable. Donc c'est vraiment un mouvement qui fait valoir ses préoccupations écologistes, mais qui les conditionne toujours à sa première lecture, on va dire son premier combat, qui est un combat social. Voilà, donc pour le deuxième numéro et le troisième numéro, donc tout fraîchement sorti aujourd'hui, qui porte sur le travail et le climat. L'idée de ce numéro, c'était de sortir des oppositions qui sont assez récurrentes entre le travail et le climat. Et bon, on le voit par exemple quand des défenseurs de la croissance économique vont agiter la menace que font planer les écologistes sur l'emploi, ce qui reste somme toute assez discutable quand même. Et voilà, c'est une conception qui est quand même assez répandue. Et finalement, dans les luttes syndicales et dans les luttes écologistes, c'est une préoccupation qui commence à émerger, qui est assez récente quand même, mais on voit émerger des convergences, et soit en interne, syndicats ou d'associations environnementales qui intègrent les répercussions potentielles des mesures, des revendications qu'ils portent sur l'emploi, ou à l'inverse, des syndicats qui intègrent la dimension climatique parce que voilà, ils n'ont pas le choix non plus que de l'intégrer. Donc le premier article de ce numéro, qui s'intitule « Syndicalisme et justice climatique », c'est une contribution de 3 personnes du mouvement des actrices et acteurs des temps présents. Donc Mathieu Verhaeghen, Paul Hermand et Serge Mouravieff. Et ce texte, c'est une tribune pour appeler les syndicats à sortir de la grille de lecture du productivisme. Et donc c'est un texte qui pointe les tensions qui sont tout à fait compréhensibles à l'intérieur des syndicats, qui vont défendre le productivisme pour une bonne partie parce qu'il est associé à la croissance, et la croissance est associée au plein emploi, à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs aussi. Donc ce qui est tout à fait compréhensible, mais ils font valoir les nombreux bénéfices aussi qu'il y aurait à sortir de cette logique productiviste en diminuant la production, en fait, tout simplement, pour recentrer la production sur ce qui est vraiment utile. Donc pour eux, les bénéfices, on peut les voir pour les salariés, pour les travailleurs aussi, parce que voilà, c'est toujours plus valorisant d'avoir un emploi utile, d'avoir un emploi décent. Ça permettrait aussi de réduire le temps de travail parce qu'il y aurait moins de production. Donc, évidemment, il faudrait partager le travail disponible. Mais aussi, il montre l'intérêt général aussi qu'il y a derrière cette idée de sortir du productivisme et voilà, de développer des services publics, de recentrer l'économie sur vraiment ce qui est utile à l'intérêt général. Développer la protection sociale aussi, enfin voilà, finalement que des éléments qui vont dans le sens d'un équilibre social, on va dire, et d'une justice sociale. Donc voilà, ça c'était pour le premier article. Le deuxième article, c'est un article qui porte sur les convergences entre les luttes écologistes et syndicales, qui prolonge un petit peu l'article précédent. Et qui s'appuie sur quelques exemples, donc déjà qui explore le concept de transition juste, qui est un concept issu du milieu syndical, mais qui, pour le dire en deux mots, revendique une transition écologique qui ne pèse pas sur l'emploi, donc qui permette de créer des nouveaux emplois, qui insiste sur la formation des travailleurs aussi pour qu'ils puissent se reconvertir d'un emploi à l'autre, et donc avec cette idée de recentrer l'économie sur toujours ce qui est utile à la société, et pas sur ce qui va créer du profit et des richesses exponentielles. Il y a quelques exemples en fait de convergence entre syndicats et écologistes que j'aimerais citer en deux mots. Il y a eu la raffinerie Grand Puy récemment en France, en région parisienne, avec une raffinerie qui est gérée par Total. Donc Total annonce la reconversion de ce site de raffinage en site de production d'agrocarburants, donc avec supposément une valeur écologique supérieure, on va dire. Mais donc, derrière ça, il y avait un plan social, on va dire, parce qu'il y avait 400 emplois, donc 200 emplois préservés et on sucre 200 emplois, plus 800 emplois chez les sous-traitants. Évidemment, les salariés de la raffinerie se sont mobilisés, accompagnés par les syndicats. Mais ce qui est plus improbable, finalement, c'est les mobilisations de militants écologistes, notamment des Amis de la Terre France et des militants d'Europe Écologie Les Verts, donc parti politique écologiste en France, qui sont mobilisés aux côtés des syndicats et des travailleurs pour critiquer le greenwashing déjà qui était opéré par Total dans l'opération et pour demander à ce que, encore une fois, à ce que la transition écologique ne se fasse pas sur le dos des travailleurs. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis en Belgique, il y a l'exemple de la coalition climat aussi qui est assez intéressant à ce sujet parce que c'est une coalition qui intègre, pour ne citer que, des associations environnementales et des syndicats et qui permet voilà, en interne, d'orienter le débat sur les impacts sur le travail, mais bon, des impacts sociaux, même plus généralement, des mesures qui sont proposées. Donc, par exemple, sur la taxe carbone, sur les systèmes de voitures salaires, il y a énormément de débats qui ont eu lieu au sein de la coalition climat et qui permettent de trouver des positions consensuelles entre syndicats et écologistes, et ce qui... quand même, de base, n'est pas gagné parce que bah voilà, il y a cette opposition traditionnelle entre le travail et le climat qui fait que leurs positions n'ont pas toujours été les mêmes. Et pour finir, le dernier article de ce numéro, c'est aussi une contribution donc, de membres du mouvement ATTAC de Liège, donc Christiane Herman, Daniel Puissant et Christine Pagnoul. Et qui est un article vraiment ancré dans l'actualité, donc qui part des inondations qui ont eu lieu récemment dans le sud de la Belgique, et qui essaye d'en expliquer les causes, mais les causes profondes au-delà simplement de très fortes pluies qu'a subi la région, mais en partant de la bétonisation des sols, mais aussi de la gestion des territoires, du fait que la gestion des territoires, c'est un service public aussi qui est en déshérence, qui subit des coupes budgétaires. Il y a l'agriculture aussi, donc c'est un texte qui s'érige contre l'agriculture intensive, et notamment en raison déjà des effets sur les sols, qui sont désastreux. Mais aussi parce que c'est assez dévastateur aussi en termes d'emploi, quoi. On passe d'un système d'agriculture paysanne qui est vraiment très demandeur en main-d'œuvre à un système d'agriculture intensive qui est quasiment entièrement mécanisé et qui a fait perdre depuis 40-50 ans de nombreux emplois. Et donc voilà, ce texte aussi fait valoir les intérêts qu'il y aurait à opérer un retour massif à l'agriculture paysanne. Donc autant pour les sols, pour éviter les catastrophes comme on a pu vivre récemment, mais pour développer de nouveaux emplois aussi. Et après, il y a évidemment des effets positifs sur le plan sanitaire, parce qu'on produit des denrées alimentaires qui sont forcément de meilleure qualité, voilà, qui sont plus complètes en termes de nutriments. Enfin, voilà, y a finalement énormément de bénéfices à opérer ce changement. Mais il pose la question du financement aussi, comment on va faire en sorte que cette agriculture paysanne puisse se redévelopper au détriment de l'agriculture intensive. Il va falloir la financer, il va falloir la subventionner. Et donc là, on en revient aussi à une écologie qui est menée sur le plan politique. Quel choix on fait ? Comment on décide de financer ? Est-ce qu'on instaure des taxes régressives, ou est-ce qu'on décide de lutter contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, d'instaurer des taxes sur les transactions financières pour vraiment aller chercher l'argent là où il est ? Donc c'est le parti, évidemment, que prennent les auteurs de cet article. Voilà pour les trois revues. Donc c'était les trois thématiques qui ont été choisies. Il y a énormément d'autres thématiques qui pourraient être travaillées. On peut penser à l'écologie décoloniale, à l'écoféminisme, sur lesquels les Amis de la Terre aussi travaillent, qui permet d'articuler aussi les enjeux sociaux et les enjeux climatiques. Donc c'est un sujet qui est très vaste, hein, beaucoup d'entre vous l'ont dit tout à l'heure. Mais donc il y a énormément de travail, et puis voilà, donc cette revue, c'était un moyen de commencer à s'y intéresser, de commencer à poser les bases du débat aussi autour des luttes sociales et climatiques, et de la jonction surtout entre ces luttes, et c'est un travail qui demande à être poursuivi. Merci. Voilà, hein. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, ça donne envie, je trouve. Ah ouais, ouais, vraiment, ça m'a donné envie. On va passer à un moment où chacun, vous allez pouvoir poser des questions, si vous en avez déjà, ou en tout cas, vous allez pouvoir réfléchir pendant qu'on distribue les revues. Ah oui, tu fais comme ça. Voilà. Un grand merci pour votre attention. Oh là. Mais donc là, Willy, on l'a en papier, en vrai papier, là, maintenant, mais on peut le retrouver, j'imagine, sur le net, quoi. Sur le site des Amis de la Terre, sur la page Facebook, on a un petit peu diffusé sur les réseaux sociaux. Donc. Mais sinon, sur le site des Amis de la Terre, il est disponible. De toute façon, on mettra un lien. Si vous avez des questions à poser à Willy, c'est maintenant. Vous pouvez lever la main ou prendre même un temps de réflexion aussi, c'est possible. Moi, j'ai plus une question de méthodologie. En fait, je me demandais comment tu avais finalement choisi tes partenaires et comment tu les avais rencontrés, comment vous étiez accordés. Voilà, quel était le chemin pour y arriver? Alors, le choix des partenaires, il s'est fait déjà suite au choix des thématiques. Parce que l'intention autour de cet aspect contributif, c'était de mobiliser des avis un peu spécialistes des questions qui étaient traitées. Donc, par exemple, pour le dernier numéro sur le travail et le climat, l'idée d'aller chercher ATTAC, qui est basée à Liège, pour contribuer à ce numéro, c'est que voilà, ils ont vraiment développé depuis longtemps une vision de l'économie, et de voir comment ils actualisaient cette vision de l'économie à l'aune des enjeux climatiques qui sont actuels. Donc voilà, c'était vraiment donner la possibilité à des organisations, des collectifs qui sont spécialisés sur une question de base qui n'est pas une question climatique, mais de voir comment ils opèrent une jonction entre leur préoccupation de base qui est celle, voilà, donc là en l'occurrence l'économie, et le changement climatique. Et voilà, après comment je les ai contactés, ça s'est fait parce que c'était des partenaires déjà, donc on avait des contacts privilégiés. Après, d'autres, ça a été parce que c'est des gens que j'ai interrogés aussi dans le cadre de mes travaux universitaires, parce que je travaillais finalement sur les mêmes thématiques, et que les gens que j'ai interrogés, je trouvais qu'ils avaient beaucoup de choses intéressantes à dire sur ces thématiques précises. Donc ça avait tout son sens de les faire intervenir sur ce type de travail. C'est voir, j'imagine, comme tu as vu beaucoup d'assauts environnementales et d'assauts qui luttent pour des causes sociales et tout, c'est plus sur la position du monde associatif et du monde syndical maintenant. Qu'est-ce qui marche? Comment est-ce que c'est? Quel procédé est-ce que tu as vu mettre en place pour que ces deux mondes, entre guillemets, se réconcilient? On a d'un côté souvent les acteurs dans la lutte environnementale qui viennent souvent de milieux favorisés et qui sont souvent de même milieu universitaire, et etc. Et justement, cette lutte syndicale qui est beaucoup plus populaire. Et ben pour toi, pour avoir un avenir justement de justice climatique, en tout cas dans les luttes qui sont mises en place en Belgique, c'est quoi les recettes que tu as vues et qui pourraient, entre guillemets, marcher? Et comment est-ce que ça marche? Parce que c'est deux mondes différents, au final, qui même si des fois ils ont envie, n'arrivent juste pas à s'entendre sur la manière de lutter ou quoi, quoi. Je ne sais pas si tu as vu des choses qui sont intéressantes à prendre. Ouais, c'est une question intéressante, mais c'est une question que je me pose d'ailleurs beaucoup dans le cadre de mes recherches à côté, de voir comment ça se matérialise, donc non seulement entre les syndicats et les associations environnementales, mais aussi entre les associations environnementales et les autres, les associations de lutte contre la pauvreté. Comment chacune peut intégrer les problématiques de l'autre? Sachant que voilà, c'est difficile en fait d'avoir en interne, je veux dire, pour les organisations, d'avoir une expertise qui dépasse le cadre de base, quoi. Pour une association environnementale, ça va être compliqué de développer une vraie expertise sur le monde du travail. Tu vois, comme ont les organisations syndicales, mais à l'inverse, pour elles, c'est plus dur aussi de développer vraiment une expertise des questions environnementales. Après, le cas de la Belgique, il est intéressant là-dessus, je trouve. Je pense qu'il est assez différent de beaucoup d'autres pays parce que, du fait du système politique, quoi, qui fonctionne beaucoup sur le consensus, sur des organes de concertation sociale, et qui est beaucoup moins, si on compare aux voisins français, par exemple, qui est beaucoup moins propice à un réel rapport de force entre, d'un côté, les mouvements sociaux, donc les ONG, les syndicats, tout ça. Et l'État, où là, il y a vraiment une, ouais, y a vraiment un fonctionnement en concertation. Donc, je pense que dans un sens, ça doit favoriser aussi des prises de position consensuelles entre les syndicats et les écolos, parce qu'ils sont d'une part présents dans les mêmes réseaux de plaidoyer, donc notamment la coalition climat, mais il y a aussi Association 21, je crois qu'il y a des syndicats dedans. Ils sont amenés dans ces réseaux à discuter autour de plein de thématiques qui posent des questions aussi des fois. On en parlait tout à l'heure de taxes carbone et le principe, les voitures salaires ou l'avenir de l'aviation, l'avenir de l'automobile. Et c'est vraiment c'est des mesures qui leur posent question parce que leur grille de lecture initiale en tant qu'association environnementale leur dirait plutôt on arrête les voitures salaires, on arrête l'aviation, on arrête l'automobile, on met en place une taxe carbone, alors qu'à l'inverse, les syndicats auraient initialement une position opposée. Et ce qui se passe dans ces organes, soit de plaidoyer, soit même dans les organes de concertation sociale, où les syndicats et les associations environnementales sont amenés à faire front aussi vis-à-vis du patronat, qui est aussi présent je pense au Conseil fédéral de développement durable, où on a un organe de concertation qui rassemble, pour le coup, des parties aux intérêts qui sont opposés, quoi. Donc les syndicats et les associations sont tenus de tenir des positions communes pour rester organisés et soudés face au patronat. Donc ça, pour moi, en Belgique, ça se matérialise pas mal par ce biais-là, quoi, parce que le système politique est plus propice à ça. En France, par exemple, on parlait de la raffinerie Grand Puy tout à l'heure, ça se manifeste différemment, quoi. Ça va être sur des luttes ponctuelles ou dans des manifestations aussi. Des syndicats et des organisations environnementales vont converger pour de l'action directe ou pour une manif. Mais voilà, je pense que c'est assez propre à chaque contexte politique. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Ouais, en gros. Ouais. On peut encore prendre deux dernières questions. J'ajouterais juste quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Pour rebondir sur la question d'Augustin, c'est que l'opposition n'a pas forcément à être avec le patronat et le politique. Parce que je trouve que s'il y a bien quelque chose qui pourrait être fédérateur, ça serait bien ça. Et donc, c'est peut-être une occasion à saisir pour que, à la fois, si ce front commun, si on peut dire, syndicat et association. Motivé par le changement, par la lutte contre le changement climatique et de manière plus générale sur l'inégalité, pourrait justement pourrait se dégager une espèce de voie commune. Ça serait quelque chose qui pourrait être porteur, je trouve, quoi, plutôt que de les opposer, quoi. Voilà, c'est une réflexion. Je suis d'accord dans l'idée. Après, c'est vrai que j'aurais difficilement tendance à croire que les patronats pourraient se ranger aux préoccupations déjà des syndicats. Historiquement, ils sont quand même plutôt... Voilà, les uns défendent les intérêts des travailleurs, les autres des patrons. Pour moi, ça peut fonctionner, par exemple, dans des petites entreprises où voilà, y a un intérêt à ce que ça fonctionne bien, mais dans des grosses entreprises où c'est plus pyramidal, je pense que c'est compliqué. Il y a quand même des conflits d'intérêts, quoi. Et notamment sur le plan environnemental, c'est pareil, quoi. L'intérêt, a priori en tout cas, bon, c'est pas le cas de toutes les associations environnementales, mais l'intérêt d'une association environnementale, ça va être vis-à-vis de, je sais pas, de Total ou de Shell, ça va être de lui faire fermer son activité. Et comment on trouve des compromis entre, voilà, c'est tout le jeu du compromis. Est-ce qu'on décide de trouver des compromis, donc des positions qui mettent d'accord à la fois les patrons, à la fois les responsables étatiques, à la fois les organisations environnementales, les syndicats, etc. C'est ce qui est fait dans le Conseil fédéral de développement durable, finalement, parce que ce conseil rend des avis, et c'est des avis qui sont au consensus. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à trouver, en un sens, un consensus entre toutes ces parties aux intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc je pense que ça dépend. Après, il faut voir... concrètement, comment ça peut se matérialiser, parce que pour avoir lu quelques-uns de ces avis qui étaient rendus par le Conseil fédéral de développement durable, c'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Ça reste très large, c'est des conditions très larges. Par exemple, ça va être sur les inégalités, ils vont dire on trouve qu'il n'y a pas assez de politiques mises en place pour lutter contre les inégalités. Ça va s'arrêter là et il n'y a aucune mesure concrète qui n'est déclinée là-dessous. Et moi, j'aurais tendance à penser que c'est aussi parce que proposer des mesures concrètes, ça pourrait mettre en cause certains intérêts, et que, notamment patronaux, qui n'y seraient pas forcément favorables. Voilà, ça, c'est plutôt mon analyse personnelle. Hein, je le vois comme ça, en tout cas. Je parle peut-être, mais tu faisais la comparaison avec la France tout à l'heure au niveau des concertations de lutte et voilà de la tendance au compromis qu'on a en Belgique. Mais justement, enfin ça, ce côté bien parce que ça crée des espaces de ralliement de cause et même de discussion avec le patronat qui sont toujours intéressantes à avoir, mais que au final ça mène souvent à des trucs vachement mous, contrairement où en France ça mène à rien. Mais ça mène à une lutte qui est beaucoup plus radicale qu'en Belgique, où c'est souvent assez mou, vu que c'est souvent dans le compromis. Et du coup, voilà, en France, ça mène à rien, vu que voilà, le gouvernement ou le patronat lâche rien et les luttes sont un peu plus radicales, quoi. Mais chez nous, ça mène à quelque chose qui est assez consensuel, mais en fait, assez mou, quoi. Assez je planche. Enfin, voilà. Quelqu'un a envie de réagir ici, tant que je suis là avec le micro ? Moi, j'ai bien aimé. Il a vraiment balayé dans tous les sens. C'est un très beau travail. Mais de nouveau, je pense que le concret des grandes idées pour essayer d'avancer, j'ai l'impression qu'on se retrouve encore à un stade où il n'y a pas une prise de position pour aller de l'avant et pour changer radicalement quelque chose. Et voilà, c'est là mon manque, comme j'ai dit au début, c'est là mon manque. Je ne vois pas les grands mouvements. Tu parles des gens ou tu parles du politique, des lois et tout ça? Oui, c'est au niveau politique, hein, parce que bon, les gens, ils savent bouger un petit peu d'après leur environnement et d'après leur conscience. Mais c'est surtout les politiques, hein, qui doivent bouger, les grosses multinationales. J'ai un peu peur que ce beau travail que tu as fait, parce que c'est vraiment beau, ils n'en prennent pas compte, quoi. Et comment secouer le cocotier à ce niveau-là ? Voilà, je ne sais pas. Il devrait quand même y avoir des commissions qui travaillent dans le même sens. Il y a combien de commissions qui ont été faites ? Combien de rassemblements de jeunes qui ont été rassemblés pour débattre de tous ces problèmes et qui ont abouti à... Je suis désolée, mais je suis un petit peu défaitiste. J'ai un peu dur pour le moment. Voilà. Je partage ton opinion quand même. Je ne sais pas si je suis pessimiste, mais en tout cas, c'est vrai que... On sent qu'il y a une prise de conscience qui est là, hein, que ce soit une prise de conscience citoyenne, une prise de conscience d'acteurs qui ont plus de pouvoir parce qu'ils sont organisés et structurés. Après, reste à voir comment ça percole au niveau politique, en fait, comment c'est récupéré. Et en fait, je rebondis en même temps sur ta réflexion tout à l'heure, Augustin. Finalement, entre la Belgique et la France, on voit qu'il y a des systèmes qui sont complètement différents, mais... ce que je perçois, moi, c'est que le résultat est le même, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ou que très peu de mesures qui sont mises en place, qu'on a des niveaux de pauvreté, d'inégalité qui sont plus ou moins les mêmes, en fait, malgré des contextes politiques différents. Et donc, on en vient toujours à la question de la stratégie et de l'efficacité. Comment on fait pour que nos mobilisations fonctionnent aussi ? Voilà, moi, je n'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus. Il y a plusieurs écoles. Est-ce que... culturellement, on fait un travail de vraiment de long cours et on s'attend à ce qu'à un moment, voilà, ça devienne majoritaire et que les gens qui ont développé cette conscience écologique et sociale finissent par s'emparer du pouvoir par les voies institutionnelles. Est-ce qu'on veut une révolution ? Enfin voilà, je pense qu'il y a des orientations stratégiques qui sont différentes et qui se valent. Enfin pour moi en tout cas. Je pourrais pas forcément discuter de l'efficacité de chacune d'entre elles. Ça demanderait vraiment de les mettre en pratique en fait et de voir laquelle marche. Mais je pense qu'il y a plein de pistes en tout cas à explorer. Voilà, le temps de parole est bientôt terminé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour dire, voilà, bah, entre le début, mais voilà, toi, Micheline, ça n'a pas changé. Mais pour savoir s'il y a des opinions qui ont un peu changé ou s'il y a des nouvelles idées qui sont insufflées, ou même s'il y a quelqu'un qui ressent quelque chose de positif, je pense que c'est le moment de le dire. Ça ferait du bien à tout le monde. Non, mais voilà. S'il y a une dernière remarque ou ressenti, c'est le moment de le faire, quoi. Moi, je trouve formidable qu'un jeune, je ne sais pas quel âge tu as, mais voilà, faire un travail pareil, c'est magnifique. Et si tu sais fédérer la jeunesse autour de ça, c'est vers ça qu'il faut aller, mais voilà. C'est ça, moi, dans le même idée, c'est ce que je voulais dire, mais au-delà de ça, je trouve qu'il est important que le monde académique fasse ce travail, que ça vienne du monde académique notamment, surtout, je dirais, donc voilà, bravo, mais surtout, si ça peut donner, je suppose que c'est le but, plus tard, peut-être une carrière, ou en tout cas, il sera peut-être un jour rédacteur, ou écrira. Il n'y a plus de carrière, il n'y a plus de monde, hein, on ne doit plus penser à ça aujourd'hui, hein. Oui, je sais. Mais voilà. Pourquoi pas, peut-être. Mais en tout cas, si jamais il y a encore un monde après qui peut. Non, même, ce qui est génial, c'est que Willy nous donne de la matière à réfléchir tous ici, et ça va alimenter le collectif, quoi. C'est comme si. Enfin voilà. Mais ton travail est chouette, évidemment. C'est ce que je voulais dire. Non, mais ça. Est-ce qu'il y a une dernière, toute dernière intervention? Parce que Willy sera plus aux Amis de la Terre après. Enfin, voilà, c'est son dernier jour. Il sera avec nous, bien sûr, en pensée et en conviction. Voilà, c'est ça. Mais voilà, s'il y a une dernière chose à lui dire, moi, je suis d'accord avec eux, au fait. Je trouve que c'est un chouette boulot. Peut-être que moi, je considère en fait que c'est un outil, en fait, aussi, mais que vous pouvez vous approprier. Mais peut-être que c'est un outil aussi qu'aux Amis de la Terre, il y a des groupes qui sont formés et qui peuvent, je pense par exemple à le local de Namur, faire un arpentage sur une partie d'une revue. Je pense que comment est-ce qu'on fait pour avoir un langage commun, en fait? Parce qu'après, c'est plus simple aussi d'interpeller le politique, de construire un avis commun. Et je pense que c'est des outils qui le permettent, en fait. Et nous, on serait vraiment intéressés aussi d'avoir votre avis sur la manière de faire vivre, en fait, cette revue. Donc, si vous êtes... inspirer, ben nous, on va la faire vivre, évidemment, dans notre réseau. Je pense, par exemple, à des arpentages, etc. Mais si jamais vous avez d'autres idées, comment la diffuser, ben, quitte à ce que je sais qu'il y a peut-être un petit peu de toilettage sur la dernière, puisqu'elle elle vient d'être faite. Mais voilà, on va faire en tout cas en sorte qu'elle soit bien accessible et bien lisible. Mais n'hésitez pas, en fait, à nous... Ben, ou même à constituer un petit groupe, en fait, pour réfléchir autour d'une revue. Et nous, on peut vous accompagner, en fait, dans cette réflexion. Un animateur peut venir de se dire, ben voilà, moi, j'ai envie de réfléchir là-dessus avec des amis ou des gens que je connais, un petit groupe. Ben, c'est un outil, en fait. Et on peut vous accompagner, en tout cas, pour ça aussi, quoi. Ça, c'est le métier aussi des Amis de la Terre. Et puis après, peut-être de porter plus de revendications. En tout cas, on organise aussi, on s'organise comme beaucoup pour la manifestation. Micheline, c'est pour te dire, ben voilà, on va encore essayer d'aller... Il y a une manifestation le 10 octobre.